tout de suite le réflexe, on se dit, bon, mine de rien, c'est un monde supérieur, il n'y a pas que l'indadienne. Il y a l'indadienne, il y a l'indadienne, il y a l'indadienne, il y a le muscle d'hôpital, il y a l'interosseux, il y a l'intrinsémique. C'est vrai qu'il y a les trois nerfs qui nous intéressent les plus lourdeurs, ce sont les trois, vous connaissez, le médian, le nerf et le radial. Mais en fait, au niveau du bras, ces trois nerfs, ils viennent du rachis et ils se terminent au niveau des doigts. Donc, les trois nerfs balayent la diaphysie. Pourquoi spécialement la paralysie radiale? Alors, on répondra à la question. Qui s'insère à l'extérieur du bras, qui permet de faire la flexion et l'adduction. consolidation. Je sais que j'ai un bon contact. Il va y avoir une grosse boule de calme et ça va se remonter par la suite. J'aime beaucoup, c'est l'exemple des... Ce sont des... dessous de l'insertion des deux muscles. Alors, vous avez la partie proximale sur laquelle s'insère le deltoïde et le grand pectoral. Voilà, c'est en haut. Et puis en bas, vous avez le couvercle brachial, ainsi que les adducteurs et les fléchisseurs. Il s'insère sur la partie distale. Vous avez la fracture au milieu. Alors, le déplacement, il se fait comment? Il est sous la dépendance de l'action musculaire. La partie distale du muscle, qui est colorée en rouge, elle est sous la dépendance de l'action du couvercle brachial, et ainsi que le couvercle brachial et les fléchisseurs adducteurs. Bon, pour flécher, il ne va pas flécher, mais pour faire de l'adduction, il va faire de l'adduction, il va tirer le fragment distal en dedans. Le fragment proximal va se retrouver sous l'action de deux muscles antagonistes. Le grand pectoral, les jugulaires ou peut-être adducteurs, mais vous n'avez pas de jugulaires. Et ils sont pratiquement de force égale. La physique dira que lorsque vous avez la résultante de force aux jugulaires, elle est dans la zéro. Et du coup, vous voyez le groupe proximal neutralisé à sa place. Vous voyez, donc c'est là l'action musculaire qui actionne le déplacement. Si on a une fracture entre les deux aspects, je ne peux plus bouger, et même si bon, je me fracture la vertèbre fémorale, après tout, l'avant-bras il est intact. Mais du coup, je peux bouger. Mais quand je bouge l'avant-bras, je vais bouger la fracture, et la fracture, lorsqu'elle bouge, ce n'est pas des douleurs, mais c'est des étincelles de douleurs suicidaires. Donc voilà, du coup, une fracture est là, mais effectivement, c'est tout le monde qui réagit, on ne peut pas bouger quoi que ce soit, et ça nous met dans une impotence fonctionnelle. La potence fonctionnelle, c'est un peu la paralysie, je suis impotente, je ne peux pas bouger. C'est la douleur, l'impotence fonctionnelle, et après, la déformation. Alors la déformation, elle n'est pas... S'il y a déformation, on dit que la déformation, elle s'exprime cliniquement. C'est-à-dire que si la déformation est en ondulation, comme on a vu tout à l'heure, vous allez avoir un bras en ondulation, vous allez l'avoir plié en deux. Parce que ce bras qui était intact, c'était la charpente osseuse qui le tenait. Qui le tenait comme ça, prête. Une fois la charpente osseuse, elle est cassée. Tout le reste, c'est les parties molles. Vous êtes obligé de céder les os, on ne peut pas le tenir, c'est impossible. Et la charpente, elle est elle-même, elle est déformée. Donc, le tout va suivre la charpente osseuse déformée. Donc, la déformation que vous avez sur la diabèse, sur le foyer de fracture, s'exprimera cliniquement. Si vous avez de l'ondulation, vous allez avoir un bras ondulé. Si vous avez une translation, vous allez avoir un bras en baïonnette. Si vous avez un chevauchement, vous allez avoir un membre raccourci. Vous êtes d'accord avec vous? Voilà. Donc, la déformation, c'est l'expression clinique du déplacement de la fracture. Évoluer sur la tête, etc. Donc il faut vraiment être sûr qu'il n'y a rien sur la peau pour se faire. si j'ai le moindre doute d'une lésion vasculaire, surtout si la fracture elle est fermée, si la fracture elle est ouverte, avec une lésion vasculaire, vous allez avoir le G. Tout c'est clair, vous n'avez même pas besoin de prendre les coups. Et en plus, le malade, quand la lésion elle est ouverte, il va perdre beaucoup de sang, il viendra en état de choc, les choses sont claires. Le problème, on est induit en erreur lorsque la fracture elle est fermée, c'est-à-dire c'est une boîte qui est fermée et un vaisseau qui saigne. Il va saigner au début bien, attention, le luméral, c'est un tuyau, hein, ça tue. Hein. Alors elle va bien saigner au début, puis après, l'hématome, peut-être la compression du malade, elle va diminuer le flux du G. Et on ne va pas voir, on va avoir peut-être un gros hématome, mais on n'a pas des signes révélateurs du lésion vasculaire. C'est pour ça qu'on va toujours aller taper les coups, parce que si on n'a pas un coup, c'est catastrophique. Surtout si le malade n'est pas en état de choc. S'il y a un 10 de tension, j'ai le droit de recevoir un coup. Si je ne l'ai pas, c'est qu'il y a un problème sur l'ex. Alors si j'ai un moindre doute d'une lésion vasculaire, là c'est la catastrophe, là vous regardez, c'est l'extrême urgence. Alors là, j'oublie l'humérus, bim, ça fracture, son nerf radial, ça pompe, tout ça, je le mets de côté. Il y a la possibilité. J'ai un gros tuyau qui risque d'être rompu du bras et je risque de faire tomber la tête. Donc je n'en ai rien à cirer de cet orifice ni de cette fracture. Primant, c'est d'aller vers la lésion vasculaire. Y a-t-il ou pas de lésion vasculaire? Si j'ai de quoi faire une artérie en extrême urgence, je vais la faire sinon directement au bloc opératoire. Et c'est mon droit de le faire parce que j'ai un membre froid et je n'ai pas de temps. Donc j'y vais, je ne vais pas pour traiter la fracture de la tête humérale, je vais pour explorer l'axe de l'artère. S'il y a une lésion vasculaire, je ne la mets pas, je sors d'abord le pronostic vital, la vie d'abord. En sauvant la vie, je vais sauver le pronostic fonctionnel parce que le numéral ne donne pas, même si vous savez que la lésion vasculaire est une urgence, si vous ne la réparez pas au bout de 6 heures, c'est une ischémie de reconduction. C'est-à-dire que cette artère numérale, elle a saigné, elle a été colmatée par un hématome, peut-être que ça, moi je sais d'où, et moi je l'ai entreprise 10 heures après. J'ouvre, je répare, normal, oui, bien, super. Je sors le pronostic vital, mais je l'ai réparé 10 heures après. Le pronostic fonctionnel du membre, même si j'ai eu une bonne réparation, un grand coup, ça va se relaver par la suite parce que le tissu vasculaire, il est en perpétuel renouvellement et au bout de 6 heures, s'il n'y a rien qui n'est plus, c'est parti. Vous allez avoir des thrombus. Et cette artère qui battait sous le doigt quand vous l'avez réparée, au bout du jour, elle va tomber. Donc vous sauvez peut-être le pronostic vital, mais pas le pronostic fonctionnel, donc vous allez avoir des petits problèmes de santé, vous finirez par compter. Voilà, ça c'est un peu le tableau noir dramatique. On peut, quand on est à temps, on peut réparer l'artère et sauver le pronostic vital et le pronostic fonctionnel. Bon, ça c'est par rapport à l'hématome vasculaire. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit dans les lésions associées, là, je réponds tout de suite à la question dans les lésions associées. Tu vois, quand on a une lésion vasculaire, c'est parti, on oublie la fracture. On sort. Ça bascule complètement la stratégie du diagnostic et la stratégie de la prise en charge. Maintenant, on passe à la fameuse paralysie radiale qui s'associe souvent à la lésion vasculaire. Alors, on commence à voir si cette fracture, elle a bougé les nerfs et si elle est associée à une paralysie radiale. Donc, il va falloir explorer, examiner le nerf radial. Est-ce que le nerf radial est fonctionnel ou pas? Alors, comment examiner un nerf périphérique? Ce sont les nerfs périphériques. Non, il y a des nerfs périphériques. Il faut savoir qu'au niveau des membres supérieurs et inférieurs, ce sont les nerfs périphériques. Examiner un nerf périphérique, ça sous-entend examiner deux choses. Parce qu'un nerf périphérique, il a deux racines. La sensibilité de la position du doigt, examiner le nerf. Dans ces deux fonctions, je dois examiner la sensibilité du nerf radial et la motricité du nerf radial. Parce que je sais que ce nerf radial, il a des territoires qu'il doit sensibiliser et il a des groupes musculaires qu'il doit motoriser. C'est le moteur. C'est le capillaire. Je dois les connaître par cœur parce que pendant que le coup, je vois. Donc si je ne connais pas l'anatomie et la physiologie mécanique de ce nerf-là, je ne saurais examiner la nerf radial. Je vous ramène un malade, vous dites, pour examiner le nerf radial. Non, mais attends. Tout d'abord, je suis bien nerf radial. Il sensibilise quoi au territoire que je dois appeler directement. Et j'examine, j'explore la sensibilité. Et je dois connaître c'est quoi les groupes musculaires. les atteint dans sa sensibilité, vous allez avoir une anesthésie à ce niveau-là, et le malade vous dira, je le sens absolument bien, vous pouvez enlever la peau, je le sens. Ça, c'est la sensibilité. Maintenant, la motricité. Examiner l'extension du coude, c'est pas évident, ça va pas être possible, parce que vous avez une fracture au-dessus, c'est pas possible. Donc, on y va en système. On y va, on examine l'extension du poignet, l'extension du doigt, et puis au niveau du pouce, le nerf radial, il fait l'extension et il fait l'abduction. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand le pouce se met en abduction, l'extension, il ouvre la première condition. D'accord? Ça, c'est la première condition, ça, c'est la deuxième, ça, c'est la troisième, c'est la quatrième. Alors, au niveau du pouce, le nerf radial assure l'ouverture de la première condition. Parce que pour que cette condition s'ouvre, il faut que le pouce se mette en l'extension, ça, c'est l'extension, et en abduction. Et tous ces muscles sont innervés par le nerf radial. Donc, finalement, au niveau distal, il faut examiner l'extension du poignet, l'extension des doigts et l'ouverture de la première condition qui, au travers, est assurée par l'extension et l'abduction du pouce. Vous me suivez? Oui. Voilà. C'est ça l'examen, en fait, du nerf radial sur sa sensibilité, sur son baisse, sa sensibilité, sur son extenseur. On y va, on examine et puis on tire la conclusion. Il y a paralysie, il n'y a pas paralysie. Et je finis par dire que lorsqu'on a une paralysie du nerf radial, il faut savoir que le poignet chute parce qu'on tenait comme ça. Sans contraction aucune. Le poignet n'est pas chuté, hein. D'accord. Par contre, si on a une paralysie, les extensions sont mortes. Donc, on a une chute du poignet, on a une fermeture de la première commissure et une chute des doigts. On appelle ça, regardez l'image, on appelle ça le poignet ou la main en moelleux. C'est comme si c'était en moelleux. C'est tout en moelleux. Il y a aucune action d'extension. Donc, vous voyez, vous êtes aux urgences, vous voyez la maladie qui vient. Il a la lèvre abdominale du bras, la lèvre dysfonctionnelle, déjà à 8,2 comme ça, il a une fracture de l'azalée humérale. Avant d'examiner, regardez son poignet, ça. S'il a une main en bonheur, vous avez déjà 50% de jeu. Vous avez tout ce qui. Voilà, il suffit d'aller compléter votre examen. Maintenant, s'il est là, il vient, il a mal, mais il est déjà comme ça, il bouge ses doigts. Donc, déjà, vous avez, j'allais dire, 50% du diagnostic, parce que c'est là, vu d'œil, qu'on peut savoir s'il paralysie qu'il y a ou pas. Alors, on a examiné, on a vu, on a expliqué tout ce que vous voulez, maintenant prendre un bilan radio. Même si on est sûr, il faut un bilan radio. Un bilan radio, bien sûr, il faut prendre le segment à explorer pour faire une face et un profil. Au minimum, une face et un profil. Alors, pourquoi la face du profil? Pourquoi pas une sur-incidence? Parce qu'en fait, la fracture, on la voit sur l'incidence. Le déplacement. Voilà, c'est pour le déplacement. Comme ça, pour qu'on puisse classer le chirurgie ou la lapade tout à l'heure. Dire la translation dans quel sens, l'angulation dans quel sens. Je dois voir dans deux plans, dans un plan frontal qui est la face et dans le plan sagittal qui est le profil. Voilà, pour dire que voilà, j'ai un chevauchement, j'ai une translation sur la face et j'ai une angulation sur le profil, par exemple, pour faire le point sur le déplacement. Ça, d'une part. Alors, il y a d'autres exigences. Le segment à explorer, on doit l'explorer sur sa face et sur son profil. Autre chose, il faut que la radio l'articulation sous-jacente. Et si là, je vous avais exprimé, c'est une image sur laquelle je ne peux pas vous dire si c'est la lumière ou son prime. Vrai ou pas? Oui. Pas une heure, hein, franchement. C'est-à-dire, bon, ça peut être un film aussi, hein, un film de la connaissance, il est comme ça. Ça peut être une diaphtumère anatomique. Je n'ai ni d'extrémité supérieure ni d'extrémité inférieure. Ce n'est pas seulement pour ça, parce que je prends les deux articulations, c'est pas pour. Parce que je sais qu'en fait, le radiologue va prendre le virus. C'est pas ça. Mais prendre les deux articulations dans la radio, c'est pour un but bien précis. La diaphyse, elle est cylindrique, dans le bras. La translation, je le bras. Le chevauchement, je le bras. La rotation, je le bras. Ah, mais si la diaphyse tourne comme ça, elle est identique sur toutes les faces. Donc, si je n'ai aucun déplacement, mais la diaphyse, elle est comme ça. Elle est identique. Donc, si je prends la face, je dis qu'il n'y a pas de déplacement, le profil pareil, parce que c'est ainsi, la même moment, je l'oublie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre l'articulation sous-jacente, et là, j'ai la face et j'ai le profil. Alors, quand il n'y a pas de rotation sur la face, je vois l'épaule de face et la palette. Quand il y a des rotations, je vois les face parce que pour le moment, il y a toujours la partie distincte. Latérale. À partir de là, j'ai le droit de dire qu'il y a une révolution. Ça va être mes arguments radio qui permettent de dire qu'il y a une révolution. Parce que sur la résidence de face, j'ai l'épaule de face, mais comme il y a une rotation, le coup des dents, le coup de projet, le profit sur la face. Et si je fais le profit, ça va très bien. J'aurai le profit de la générale et la base de l'oreille en face. Donc je pose directement le diagnostic de la rotation. Bref, dans toutes ces situations, cette paralysie du nerf radial qui est mal, c'est que si on dépasse 3 mètres au moins et qu'on n'a pas de paralysie, on ne risque pas de l'avoir. D'accord ? Alors, d'autres complications pour les femmes, c'est des blessures secondaires de la femme. Alors, des blessures secondaires, on les voit surtout sur le traitement chronique. Et les blessures secondaires, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a bien réduit la fracture, on a mis un plâtre, on est tout content au bout d'une semaine, on va la tourner avec une radio de croche, avec une fracture des fesses. C'est-à-dire qu'on a perdu la réduction. Alors, quelles sont les causes de la blessure secondaire sur le plâtre ? Généralement, c'est soit un plâtre qui est mal fait, ou encore un plâtre qui est bien fait, mais le problème, c'est quoi ? C'est quand on a fait le plâtre, on l'a fait sur un membre peu déplacé. Et le plâtre, lorsqu'il sèche, qu'il gicle, c'est du béton. Donc, le jour, les deux, trois jours, là, le bras était démassé, il avait un certain diamètre. C'était un grand plâtre. C'est un peu bien. Donc, voilà, les deux sondages, quand il y a pas mal, voir les phénomènes inflammatoires disparaître, ça, c'est assez général. Le membre, il repasse, c'est pour son produit, il repasse au bout d'une semaine, 10 jours. Il n'y a plus de dalle. Donc, le membre va se retrouver en train de danser dans un plâtre qui ne moule plus parce qu'il est séché. Et du coup, ces petits mouvements à l'intérieur du plâtre vont causer des déplacements secondaires parce qu'on a dit que la contention doit être efficace pendant au moins les 3 premières semaines. Donc, s'il y a un œdème important, rassurez-vous. D'ailleurs, quand vous voyez un malade avec un œdème important, il vaut mieux éviter le plâtre tout de suite. Le plâtre est pas attendez que, en moi, si vous avez la possibilité d'attendre un jour, deux jours, mettre des mesures anti-œdèmes, des anti-inflammatoires, que l'œdème redresse un petit peu, mettez votre plâtre, comme ça, vous êtes un peu à l'abri d'applications secondaires, à l'abri d'un amour des loges, à l'abri de beaucoup de choses. Il ne faut pas se précipiter pour aller plâtrer un membre peu dépassé, parce que vous allez à l'encontre de beaucoup de complications, entre autres, à l'application secondaire, parce que l'œdème ne va pas rester 3 semaines. Au pire, en 10 jours, il va prendre, et en 10 jours, vous avez des placements secondaires, mais tout est à votre place. Le démontage du matériel, on en traite chez nous, finalement, on n'est pas des champions, hein. On peut mettre une vis fiscale, on peut mettre une vis tort, on peut mettre une vis fiscale souci, on peut avoir une refracture sur le traitement matériel, etc. Alors voilà, par exemple, un déplacement secondaire, la tâche de rechement qui se reprend. Regardez, une vis qui se casse, un déplacement sur le matériel. Donc tout ça, c'est des complications qu'on voit. Même si ça s'appelle le traitement chirurgical, ce n'est pas le traitement miracle. On peut faire traiter bien, on est tout content, mais on a quand même des complications sur ça. Bon, maintenant les complications à long terme. Mais à long terme, c'est l'histoire de plusieurs mois, plusieurs années. Il y a mille et une complications, il n'y en a pas que ces deux-là, mais les plus importantes, ceux qui nous intéressent, sont deux complications qui sont un petit peu au contraire l'une à l'autre. La tuberculose et le calvitie. Une complication où on ne consolide pas, une complication où on consolide, mais bon, une consolidation où on pose problème. Donc là, c'est la phrase que vous abolissez, une phrase, ça se finit par la non-consolidation. Alors, la non-consolidation, c'est-à-dire, ça sous-entend qu'on a dépassé les délais de consolidation. Vous savez, pour qu'on ait dit, il y a des délais de consolidation. Et des délais qui diffèrent d'un os à l'autre. Le fémur ne prend pas le même temps que la chair, la phalange ne prend pas le même temps que le métal, etc. Donc chaque sol, on a à peu près, bon, c'est vrai que les délais se ressemblent et s'approchent, mais on a quand même des délais. L'enfant ne consolide plus rapidement que l'adulte, etc. Mais bon, on connaît quand même, on sait que la diabète générale, on peut l'attendre jusqu'à 6 mois de consolidation. On donne jusqu'à 6 mois de consolidation. Une fois en. Fini les délais de consolidation, dépassé 6 mois, si le malade n'a pas consolidé, c'est parti, il ne consolidera jamais. C'est bon, parce que quand il dépasse les délais de consolidation, les groupes osseux, de part et d'autre de la fracture, se sclérosent. La sclérose veut dire la mort. Et une fois les deux bouts, les maoulis et le calme, se sclérosent, c'est parti. C'est une néo-articulation, recrasse-articulation. D'accord. Donc c'est, une fois les délais sont dépassés, la fracture, si elle ne consolide pas au bout de ces délais-là, elle ne consolidera jamais, sauf si on intervient dessus. C'est une intervention positive pour les tuberculoses, c'est pas votre cas. Mais bref, il faut savoir que pour parler de pseudarthrose, il faut dépasser les délais de consolidation. Si, parce qu'en fait, les êtres humains ne sont pas semblables. On peut faire la même fracture. La même. Il y a des humeurs. Moi, je consomme 5 mois, bah, tu consolides ton temps. D'accord. Seulement, on a un délai. Dépasser les 5 mois, voilà, là, voilà, tiens, qui consolide. Ça, c'est clair. Mais on va dire de 2 à 6 mois, les délais diffèrent d'une personne à une autre. Donc, si je suis à 5 mois, par exemple, 4 mois et demi, 5 mois, et je n'ai pas un cadre, je n'ai pas le droit de dire que je la pose parce que je n'ai pas encore les 6 mois écoulés. Je vais pas faire ça au tard. Gracias. continuer debout. Et il va s'aligner du côté raccourci, et quand il marche, il est toujours dandy du côté raccourci. Donc au bout de quelques années, ce 1 cm de raccourcissement, il lui bousille tout l'axe, arrivé au rachis. Et les douleurs, je vous en parle. Donc voilà, un chevauchement de 1 cm à 2 cm. Quand vous ne voyez pas sur le membre supérieur, regardez que c'est tout en bas au niveau du membre. Bon, je reviens à la diapositive. Il y a un cadencieux condolaire. C'est la rotation. Pourquoi? Parce que la rotation, elle se répercute sur la position de la main. Même si j'ai une bonne épaule à mon coude, à mon poignet, le catapulte à l'enjeu, tout ce que vous voulez, attendez, si je consolide en rotation externe, je consolide comme ça. Et je n'ai pas la possibilité de faire ça. Donc je suis comme ça, je bouge tout, mais je n'ai pas la possibilité de faire ça. Bon, c'est bien, j'aurai quand même la main en face du visage, je peux plaquer le visage, je peux poigner, je peux faire bien, parce que si je peux manger, pas de souci. Le problème, c'est quoi? Je ne peux pas prendre quelque chose. Pour prendre ça, ce n'est pas évident. Je suis obligée de prendre de l'autre main pour le mettre ici, parce que je n'ai pas la possibilité de faire ici. L'inverse, si je consolide comme ça, je peux prendre, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que je n'ai pas la main en face de mon visage, je suis comme ça. Vous voyez? Donc, la rotation, c'est toujours un problème. Alors, pour toutes les promos, j'ai toujours raconté l'anecdote du malade que j'ai rencontré. Dès une rotation, elle avait fait dans sa petite enfance une fracture des épaules générales. Et elle a consolidé en rotation interne. Elle était comme ça. Elle s'est habituée, elle s'est accommodée à ça. C'était normal, elle voulait. Ni les parents, ni elle ne voulaient corriger ce cadencieux, parce que le cadencieux se corrige. En casse, on remet dans la position. Et bien, quand est-ce qu'elle s'acharnait à corriger ça, sa rotation interne? Je lui ai fait des questions. C'est quoi ça? Elle a la même chose. Mais il faut bien que ça. Ça s'appellera le pelvis culturel. Le pelvis, c'est prénom. Avoir un droit pour pas y aller en bois douce, hein, mais avoir ce prénom, c'est pas une question. Bref, ça veut dire tout. Alors, ça, c'est le prénom de l'autre. Maintenant, le prénom chez le chirurgien. Le prénom chez le chirurgien, je l'ai dit tout à l'heure, si on est derrière sur une fracture, on n'a pas le droit à l'erreur. La fracture doit être attendue. Parce que je vais la prendre avec les doigts, je vais la construire quand je pars. Je n'ai vraiment pas le droit de faire un chevauchement et une translation même de 1 mm. Et bien sûr, j'ai l'avantage de mettre un matériel, de stabiliser avec une plaque, un bout de ce que vous voulez, c'est plus solide. Et le malade n'aura pas besoin d'un plâtre et il pourra faire sa rééducation, il pourra bouger dès le lendemain sur le plâtre. Voilà ce que je peux faire. Je peux être une plaque, je peux être un clou. Alors regardez les clous, tout ce qui est clou, tout ce qui est centre médulaire, tous les matériaux qu'on met. Alors la plaque, par exemple, la plaque, je suis obligée de déperlosser, de mettre la plaque, les vis, etc. Donc les incisions en route. Par contre, si je mets un clou comme ça ou des broches élastiques, je n'ouvre pas le foyer. C'est des clous qu'on travaille sous scope et on a des points d'introduction en bas ou en haut et on fait pénétrer ces clous élastiques sous clous rigides dans le centre médulaire sans aborder le foyer. Ça s'appelle le traitement chirurgical non invasif. Pourquoi non invasif? Parce que je mets un matériel. Il y a une chirurgie, il y a une anesthésie, il y a une petite incision, il y a le risque d'infection, il y a tout le tralala aussi du traitement chirurgical. Mais il y a une chose qui est bien, c'est que je n'ouvre pas le foyer de fracture. Je n'évalue pas l'hématome dont j'ai besoin. Je ne déperlose pas et je n'expose pas le malade à l'infection pour ce traitement. Et je le traite chirurgicalement. C'est-à-dire que sur la dialyse humaine, même j'essaye de traiter orthopédiquement. Si je n'arrive pas, même si j'arrive à un traitement chirurgical, d'abord, je fais le bien. J'essaie de mettre des clous élastiques, j'essaie de mettre un clou. Pour ne pas aborder, juste pour être très invasif. Maintenant, si les choses allaient mal, là, je suis obligée de venir de réduire complètement et de mettre. Fixateur externe. Fixateur externe, vous allez voir ça dans les cours qui vont suivre, la fracture ouverte de jambes, etc. Le fixateur externe, c'est un peu les solutions salvatrices. C'est quand on a un effet osseux, une grosse ouverture cutanée, etc. On voit que c'est une histoire interminable. C'est sur ce malade-là, on va intervenir, réintervenir plusieurs fois, le risque de s'infecter, on va devoir le reprendre, on doit mettre une greffe dans 2-3 semaines, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un fixateur externe qui permet de stabiliser l'os et qui nous permet d'intervenir sur ce malade. Bon, ça c'était un peu la dialyse. Maintenant, on va dire un mot sur la paralysie labiale, pour dire connaître un peu de la périphérique à travers cette paralysie radiale. Mais la paralysie radiale qu'on va évoquer, c'est la paralysie radiale qui est consécutive à la fracture. Parce qu'on parle dans une paralysie générale, parce qu'il y a beaucoup de voix. D'accord, sur la fracture. Là, on va parler de la paralysie radiale. C'est comment on se comporte avec une paralysie radiale lorsqu'elle s'associe à une fracture de la tête générale. C'est différent. Ce qu'il faut savoir, c'est une complication fréquente. 10 à 20%. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Imaginez 100 personnes qui font des fractures de l'humérus. Il y a 20% paralysie, c'est quand même fait. Le diagnostic, il est clinique, il est clinique. Il est clinique. On connaît maintenant comment examiner la nerf radiale. Si on veut s'assurer, on fait un UEG, un électromyogramme, qui va nous dire que voilà, la nerf radiale ne répond pas, il faut qu'elle s'en abaisse. Il y a une dénervation, il y a une paralysie jusqu'au bout. Ce qui est bien, par contre, c'est dramatique d'avoir une paralysie radiale de fracture. Ce qui est bien, c'est que c'est des paralysies qui récupèrent spontanément dans notre masse osseuse. Gardez-la en tête, parce qu'on va revenir. ils sont entrelacés comme ça. Et nous, nous avons réparé comme ça, sans microscope, tranquillement. On a réparé les pierres, parce qu'on ne voit que les pierres. Et on croit avoir réparé la mer. Alors que ce qu'il y a à l'intérieur, on ne peut rien. Ils ne sont pas mis là. Là où vous êtes, vous allez se mettre. Elle ne vous achète pas. Elle sera anarchique. Ils sont comme ça. Elle se met dans un sens, dans l'autre. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de construction. Pire encore, cette robustation, elle continue à se faire. Et elle vous fait un nuage électrifié. Ça fait ce qu'on appelle une névrome. Un névrome, quand on le touche, c'est l'électricité. C'est-à-dire, le malade, il aura un névrome, quand il touche, ça picote, ça donne l'électricité d'un peu partout, parce qu'il y a de la repousse énergie, et il est toujours paralysé parce que le flux nerveux ne passe pas. Parce qu'il fallait bien que les fascicules se mettent l'un en face de l'autre pour que la repousse rétablisse, et là, la fascicule, elle se met dans le sens. Est-ce que vous avez compris tout ça? Alors, la conclusion, c'est quoi? Comment doit se faire la réparation? Il faut voir le fascicule. Réparer les puits tendants, et les fascicules en même temps. Il faut que les fascicules se réparent l'un face de l'autre pour que la repousse axonale se fasse dans le bon sens et pour que le flux nerveux retrouve son train et vous allez récupérer tranquillement votre paralysie. On revient un peu à la lésion nerveuse. Les lésions nerveuses sont classées. Alors, l'explication de ce nom. Monsieur Sonnant, il a pris le nom qui est classé. Il a dit que la lésion nerveuse, les lésions nerveuses ne sont pas identiques. Nous n'avons pas tout le temps une lésion complète. Parfois, c'est une simple contusion, parfois, c'est une simple torsion, parfois, c'est une lésion partielle, etc. Donc, il a classé en trois. Il parle de grande, c'est un peu du latin, la neuropraxie. La neuropraxie, c'est une sidération nerveuse. Le nerf, il n'est pas lésé. Il est juste tordu ou imprimé par quelque chose. Et bien sûr, c'est un nerf qui s'exprime. Donc, vous avez la paralysie et il n'y a pas de lésion. Et le pronostic est extraordinaire parce que vous n'avez rien à faire, vous n'avez absolument rien et le nerf va récupérer dans quelques jours parce que c'est une simple sidération. Ah, on marche, il va se lever. Voilà. L'axonotmésis, la lésion qui s'appelle axonotmésis, c'est une lésion qui est partielle. C'est-à-dire que le pays tendant, la gaine, elle n'est pas lésée. C'est les fascicules à l'intérieur qui sont lésées. C'est une lésion qu'on voit généralement dans les torsions des membres. Quand il y a une torsion, cassante pratiquement, la gaine, elle résiste, mais à l'intérieur, les fascicules sont fragiles. Ils se lèvent, ils se coupent, mais comme la gaine, elle reste intacte, la gaine, elle fait office de tuteur. Quand la gaine ne se rompt pas, quand bien même les fascicules sont rompus, mais comme il y a un tuteur externe, mais on peut aller à le reste, plus ou moins, au moins 80% des fascicules restent en face de l'autre. Que la repousse se passe normalement, donc sur la axonotmésis, on peut avoir de bons résultats sans rien faire. Par contre, si on est sur la neurotmésis, c'est-à-dire tout est coupé, les fascicules sont là, et là c'est catastrophique, si vous ne réparez pas, réparez convenablement, avec un microchirurgien, avec un microscope. Voilà, ça c'est un peu là. Alors, là, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion? On comprend tout de suite que tout à l'heure, on a dit 80% de lésions et paralysies récupèrent. Ça se trouve en quoi? Donc, là, c'est la lésion de la neuropraxie ou encore un axonotmésis sorti. Et c'est pour poches dans les fédérations, il n'y a même pas un boost qui se relève, c'est que vous êtes dans les 20% et vous vous êtes bourré dans votre décision. Et à 45 jours, si vous n'avez pas de récupération, vous serez obligé. Donc, quand vous opérez à 45 jours, vous allez vous retrouver avec un membre que vous devez réséquer. Vous risquez de vous retrouver avec une perte de substance, vous risquez de vous retrouver en train de gréver, etc. etc. Donc, alors, les interventionnistes en droit, moi je n'attends pas, je ne prends pas sur les 80%, moi je vous dis, il y a les 20%, il y a les 20% de risque que je ne cours pas et je ne fais pas courir en fait. Il y a une paralysie, je ne fais rien. J'ouvre, j'explore. Ça me permet de réduire la fracture quand je veux, ça me permet de mettre une bonne plaque, ça me permet d'explorer les nerfs. Il est bien avoir une lèche, il n'est pas bien, je le récupère. Et au bout de 45 jours, et si là vous meurez, les abstentions de ce groupe, au bout de 45 jours, le malade aura récupéré sa paralysie. Alors que ce malade abstentionniste, au bout de 45 jours, il reprend sa mental. Il attendra sa récupération dans 6 mois. Il y a quand même une différence. Parce que la paralysie, quand tu répares le nerf fraîchement, le malade, il aura 2 gardes, 5 à 2 mois et il commence à bouger ses muscles. Par contre, si je lui laisse déjà 45 jours, après les sections des mois, peut-être de l'âge, etc., il va récupérer dans 6 mois, ça lui fera 4 ou 8 mois. Même si le nerf est humain, il trouvera des muscles atrophiques. Le récepteur, il s'active. Il a attendu la récupération de son câble électrique, elle n'était pas là au bout de 8 mois, même si ce câble électrique reprend son travail, c'est un muscle qui. Pourquoi ils ne prennent pas ces arguments pour trancher je vais te répondre tout de suite. Moi, j'ai argumenté comme ça. Un abstentionniste viendra de ses lois. Viendra de ses lois. Moi, je ne suis pas, je n'ai pas suivi les 20% de risque, parce que 80% par rapport à 20% c'est énorme, mais 80% c'est positif. Je ne vais pas exposer le malade à un risque d'infection, à un risque de tétarthrose, parce que quand tu opères le virus, tu l'exposes à la maladie. C'est vrai, hein, nous allons tous les faire aussi. Hein. Et vous allez vous risquer de l'exposer à tous ces risques pour trouver un nerf intact. Et vous allez le retrouver intact dans 80% des cas. Alors, logique intervention. Voilà. Donc, et c'est pour ça que le consensus n'a pas pu être fait. Parce qu'en fait, les deux écoles ont des arguments solides. Donc, voilà, ils ont pu partir de faire ce que vous voulez et chacun s'assure. Alors voilà la structure du nerf, comment elle doit se faire sur le microscope. C'est sûr. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais le maximum. C'est-à-dire, je pars de la périphérie. Je prends le premier paquet, le deuxième paquet, le troisième paquet. Dès que vous prenez 4, 5 paquets, les autres sont. Vous voyez? Mais pour aller prendre ça, le binaire, dans le fascicule, sur le fascicule, en fait, c'est passionnant, vraiment. Alors, quand on se dit qu'on a 40 ans, on sait même finalement qu'on a mis les fascicules en face de l'autre et ça ne risque pas de ne pas aller. Et la remousse axonale, elle commencera à se faire dans les 24 heures, dans le bon sens, et puis progressivement, le malade récupère sa paralysie. Voilà. Alors, ça, c'est déjà la nerve réelle, ça, c'est la nerve lunaire au niveau du bras. Regardez quand on résecte les névrons, parce qu'en général, je travaille sur des paralysies, donc je résecte les névrons. Le névron, il prend de l'élan sur la distance. Et je dois résecter, je dois couper jusqu'à ce que j'arrive à les fasciculer ça. Parce que sinon, les drogues, ça n'a du tout à être jeté. Donc, on coupe, jusqu'à arriver à des fascicules sains, on se retrouve avec des tas de substances comme ça. Parfois, on peut colmater, parfois, on ne peut pas, quand on ne peut pas, on peut juste prendre le gars. Donc, voilà, la lumière rose, c'est la lumière du microscope, voilà, elle est arrivée sur le Ça, c'est la lumière, non, ça, c'est très bien, c'est un déjeuner au niveau de l'avant-bras aussi. Alors, quand on est devant, il n'y a pas de soucis. Une perte de substance, ce n'est pas seulement suite à la résection du névron, parfois on a des écrasements. Les écrasements, ça écrase, hein, quand vous avez un écrasement, vous trouvez des pertes de substance tendineuses, musculaires, vasculaires, nerveuses, parce que l'écrasement, il râle. Donc vous trouvez les deux bouts, mais vous avez une perte de substance de 3 cm. Donc quand vous allez sur une chirurgie nerveuse, préparez-vous toujours à l'œil. Préparez-vous à l'œil, c'est-à-dire dans le site opératoire, vous devez avoir le nerf donneur que vous allez prélever pour traiter, il doit être dans le champ de pour moi. Comme ça, si je vois que je suis sur une perte de substance, je ne vais pas refaire la mise en place du champ, j'ai déjà un champ de moi. Vous allez me dire, je vais prélever quoi? Je supprime quoi? Voilà, c'est précieux, oui, tout à fait, mais la nature a fait bien des choses. Il y a des nerfs qui sont sensibles. À la formation sensitive. Et de gros nerfs qui sont bien. Je suis sûre que mon Dieu les a fait comprendre bien. Il y en a beaucoup, il y a les nerfs costauds, il y a le nerf sapin externe, il y a une multitude de nerfs qui sont là qui peuvent nous servir pour les graves. Ce sont des nerfs sensitifs. Alors quand on supprime la nerf sensitive, parce qu'on en prélève du nerf, c'est bon, c'est une nerf. C'est parti, là. Donc on va perdre la sensibilité dans une zone. Moi, par exemple, je greffe à partir du nerf sapin externe. Là, sapin externe, il est là. Je suis en fait sapin externe. Il est avec le pied au bout. Il assure quoi? Il assure la sensibilité du bord externe du pied jusqu'au talon. La sensibilité. D'accord. Donc, si je prélève ma soeur, d'ailleurs, j'explique. Là, on doit expliquer au nerf. Sinon, il va me dire où je serai, il va expliquer. Donc, il doit comprendre et il doit s'assurer. Il doit s'y aider. Je lui dis, bon, voilà, c'est pas possible de récupérer une paralysie, pas j'ai une paralysie matière comme ça. C'est une balle exclue, elle ne fonctionne pas. Bah, il faut lui expliquer, il faut lui dire, bon, voilà, je dois prélever la sensibilité interne, tout ça, pour récupérer. À moi de choisir. Tu vas perdre la sensibilité au niveau du bord externe. Mais jusqu'à ce que tu veux. Au début, tu vas avoir des petites douleurs nerveuses consécutives à la coupure du nerf, etc., mais qui vont disparaître. Mais l'anesthésie du bord externe du pied, bon, avec le temps, vous allez vous habituer, vous accommoder à ça. Par contre, avec cette étape, on va récupérer l'extension du poignet, l'extension du doigt, et l'ouverture de la première condition. Et cette main qui est exclue pendant 45 jours, pendant 2 mois, pendant 6 mois, vous allez pouvoir la récupérer, vous allez pouvoir travailler avec. Et les malades s'en affichent. Il y a une fonction à récupérer contre sensibilité. Attendez, c'est comme ça. Ça se fait ça. Personnellement, je dirais oui. C'est pas une sensibilité pour une sensibilité, c'est une sensibilité pour une fonction. Et donc, ça se pose pas. Tout comme les interposes, tout comme. Donc voilà, alors la grève, ça se passe comment? Donc on a la perte de substance, regardez les greffons, comme on disait. Alors on essaie de les séparer. Ce qui est séparé, c'est les groupes fasciculaires, on les appelle les torrents. Là, je rentre un peu dans le détail. Et puis, donc, on prend la greffe, on la met. greffe. Dépasser tout le greffe. Passer à quoi? 2 cm, 3 cm, voire même 1 mm par 24. Ah ben, s'il ne s'épuise pas. Il arrive, il traverse tout le greffe, il dit qu'il y a un autre obstacle, c'est au-dessus. De confrontation fasciculaire. Pour qu'il arrive à la partie distale effectrice du tumeur. Donc vous voyez la différence entre un greffant et entre un maître qui se répare bout à bout, c'est quand même